étoiles qui dansent parmi les paroisses. Bercez nos cœurs d'un songe tendre et d'un espoir sans fin. Dans le ciel immense, j'aimais ton refrain. Douce romance d'un rêve lointain. D'autres voix depuis m'ont dit je t'aime. Leur musique n'est plus la même. Je le dis dans le soir triste et blême. Ce doux poème sans écho. Une chanson de juillet 2020 qui émerge dans le contexte politique qui regorge des rumeurs suite au Covid-19. Il arrive que les avis de médecins, de politiciens et du peuple divergent et il devient de plus en plus dur de distinguer la bonne information de la rumeur. La rumeur Calogero. Elle peut faire passer ton père pour un tox. Courez, courez, elle prend de l'ampleur. Elle tourne autour de toi, la rumeur. Elle court de bouche en bouche, de porte en porte. Tu appuies sur une touche et elle s'exporte. J'adore faire peur. Elle te montre du doigt la rumeur. La rumeur. Un poste à midi, un flash à 20h. C'est un chuchotement dans un haut-parleur. Elle t'a dans son viseur. Elle parle déjà de toi, la rumeur. La rumeur est lâchée, ton nom taché. Elle balance en 1979, le concours Eurovision de la chanson se déroulait en Israël à Jérusalem. 19 pays participaient. La France était représentée par Anne-Marie David, la chanteuse qui avait triomphé 6 ans plus tôt pour le comte du Luxembourg. « Je suis l'enfant soleil » est une ballade dramatique influencée par le blues. Anne-Marie David y décrit une histoire d'amour, de jeunesse avec un étranger arrivé du Nord et elle, un enfant soleil. Cette année-là, c'est Israël qui gagnait le concours avec la chanson « Alléluia », l'Espagne se classait deuxième et la France troisième. Bravo ! Je suis l'enfant soleil, Anne-Marie David. Une chanson que l'on entend plus beaucoup et qui sera rappelée des souvenirs aux plus anciens d'entre nous. Une chanson scout que l'on entendait partout, partout où des groupes de jeunes encadrés se déplaçaient dans les villes et les villages. Mon papy connut cela jusqu'à la fin des années 50. L'école nationale de filles de Visine n'échappait pas à la règle. Fleur d'épine, nana, mouscouri! Ma mère qui m'a nourrie n'a jamais connu mon nom. Ma mère qui m'a nourrie n'a jamais connu mon nom. On m'appelle fleur d'épine, fleur de rose, c'est mon nom. Tra la la la la la la la. Fleur d'épine, fleur de rose, c'est un nom qui coûte cher. Romantique qui parle de l'une de ses premières relations amoureuses où l'artiste raconte un premier amour. En faisant plusieurs fois référence au titre « Ta reine », la chanteuse belge évoque la situation d'une fille amoureuse d'une autre fille mais qui cache ses sentiments et ne veut pas s'engager pour dire toute la vérité. Tu me regardes, Angèle ! Ce reste juste dans ma tête, ou toi aussi, c'est dans la tienne. Mais chaque fois que je suis seule, je pense à toi, je sais c'est bête. J'y ai pensé en boucle, je te veux. Je me le cachais sans doute, je te veux. Quand j'ai besoin d'aide, je te vois. Au moins c'est peut-être ce qui m'échappe. J'aimerais pouvoir t'aimer sans mal. J'aimerais peut-être juste que tu me regardes comme tu me regardais hier, sans qu'il nous regarde quand il nous regarde au travers. Que tu me regardes comme tu me regardais hier, sans qu'il nous regarde quand il nous regarde au travers. J'y ai pensé parfois, je voulais pas le voir, je l'avais chanté déjà mais sans trop le savoir. Les échecs me font peur, je jouais avec le roi, la reine a pris mon cœur. J'y ai pensé en boucle, tu me plais. Je vais te le cacher sans doute, tu me plais. Quand j'ai besoin d'aide, je te vois. Au moins c'est peut-être ce qui m'échappe. J'aimerais pouvoir t'aimer sans mal. Ou j'aimerais peut-être juste que tu me regardes. J'ai peur d'être à deux, j'ai peur de te regarder, et encore plus dans les yeux. Et cela je les évite, ce regard qui m'invite, même si au fond de moi j'hésite, je brûle d'envie que tu me regardes. Regarde, comme tu me regardes hier, sans qu'il nous regarde. Un caboulot, un terme familier pour désigner un lieu de vente de boissons, parfois où des représentations artistiques sont données, mais qui n'est pas destiné à une clientèle de grande classe. Alors dans la chanson Le Doux Caboulot, interprétée par Yves Montand, on ne s'étonnera pas de ne pas y croiser les grands maîtres impressionnistes Renoir, Manet, Monet, Degas, Pissarro ou même Utrillo. Ce n'est pas grave, ça durera bien le temps nécessaire pour Jeanne et Pierre qui ne regretteront rien. Le Doux Caboulot, Yves Montand. Le doux caboulot fleurit sous les branches et tous les dimanches plein de populos. La servante est brune, que de gens heureux, chacun sa chacune, l'une et l'un font deux amoureux, épris du culte de même. Assure que l'on s'aime et que l'on est gris. Ça durera bien le temps nécessaire pour que Jeanne et Pierre ne regrettent rien. Benabar explique à travers cette chanson qu'on peut aimer plusieurs fois avec la même intensité dans la vie. Il existe plusieurs amours vus de différentes perspectives, tout dépend de la maturité de la personne concernée. L'amour n'a pas d'âge, il banalise la rupture. Les divorcés ne sont pas des amoureux qui manquent d'amour ou de compassion. Tous les divorcés, Benabar ! Il y a le premier amour qui sera le premier chagrin. Il durera toujours, enfin l'éternité. Au moins, on est un peu plus qu'un homme. Elle est plus que toutes les femmes. Pas encore des grandes personnes, mais ça nous pend aux larmes. Quand on aime la première fois, c'est pour la vie entière. On comprend la deuxième fois que c'est pas encore la dernière. Celui qui n'a pas cru aux serments intenables, tombera pas de haut, mais on monte pas haut quand on est raisonnable. Tous les divorcés se sont aimés tendrement. Un week-end sur deux, ils le répètent à leurs enfants. Quel est le plus important, le premier amour ou le plus récent? Il y a le deuxième amour, moins spectaculaire, vaut quand même le détour, rien à envier à son grand frère. On prend reconnaissant ce que la vie nous redonne. On veut croire mais on en doute que cette fois c'est la bonne. Il y a le troisième amour, maintenant on connaît la chanson. Et surtout n'allons pas croire que c'en est fini des passions. Il est aussi dévorant que les précédents. C'est pas parce qu'on aime plusieurs fois qu'on n'aime pas vraiment. On n'aime pas vraiment. Tous les divorcés se sont aimés tendrement. Un week-end sur deux, ils le répètent à leurs enfants. Quel est le plus important, le premier amour ou le plus récent? Quel est le plus important, le premier amour ou le plus récent? Il y a le quatrième, le cinquième, le sixième. T'arrêtes l'ascenseur aux étages qui te conviennent. Certains n'en connaissent qu'un, celui du début. D'autres en connaissent plein, ça vous jamais vaincu. Il y a les malheureux qu'il faut serrer dans les bras, qu'ont pas connu l'amour et pensent qu'ils n'y ont pas droit. C'est faux, y a pas d'âge pour connaître l'âme sœur. D'ailleurs, je dis souvent à ma femme qu'il faut pas qu'elle désespère. Tous les divorcés se sont aimés tendrement. Un week-end sur deux, ils le répètent à leurs enfants. Quel est le plus important, le premier amour ou le plus récent? Tous les divorcés. Alain Leprest est un poète parolier et chanteur français né à Lestre dans la Manche et décédé en 2011 à Entraigues en Ardèche. Auteur de génie, interprète magistral sur scène, souvent comparé à Jacques Brel, il a écrit et interprété ses propres chansons, souvent mises en musique par Romain Didier, Jean Ferrat ou Daniel Lavoie. Méconnu du grand public, Alain Leprest est reconnu et admiré par Jean Ferrat, Juliette Gréco, Henri Salvador, Anne Sylvestre et Claude Nougaro. C'est bien simple, je considère Alain Leprest comme un des plus foudroyants auteurs de chansons que j'ai entendu au siège de la chanson française. Le copain de mon père, Alain Leprest. Le copain de mon père, il venait en bout de moi, là, là, là, là, là. On lui servait un verre, il s'en reservait au roi, là, là, là, là. C'était un roi déchu, une épave, un fantôme, qui pointait au chaume du, en attendant son trône. Mon père l'accompagnait jusqu'au bout du chemin et froissait un billet dans sa poignée de main. Il s'appelait peut-être Marcel, il roulait en Vespa, là, là, là, là, là. À côté de sa selle, le copain de papa. Le copain de mon père, c'était un amiral, là, là, là, là, là, qui boitait de travers et flottait du moral, là, là, là, là. Il avait le cœur cassé, il suçait des cachous quand il nous embrassait, on s'essuyait les joues. Recalé de la sécu, il brassait son roman et des histoires de cul qui faisaient rougir maman. Il avait eu des femmes, des baisers, du tabac, là, là, là, là, là, là, des mômes et même une âme, le copain de papa. Le copain de mon père, il avait le nez bleu, là, là, là, là, là, un culot vert tout vert et un regard pluvieux, là, là, là, là. On l'appelait train-train, il se taisait jamais, et quand il causait rien, on croyait qu'il dormait. Il avait cru des guerres, pacifier l'Algérie, manger des pommes de terre, brûler des champs de riz. rencontrais des copains vaguement morts là-bas. On regardait ses mains aux copains de papa. Le copain de mon père, un jour on l'a plus revu. Là, on se regarde, on se perd, ou on se perd de vue. Là, là, là, là, il a dû changer de peau, se refaire du fric, s'envoler en loto, le cul dans une barrique. C'est drôle, mais c'est curieux, c'est bizarre, ça me manque. Son Vespa, son pif bleu, sa gueule de saltimbanque. Les souvenirs font des miettes, ça fait 10 000 repas. Là, là, là, là, là, que je rajoute une assiette pour le pote à papa. Un air joyeux, une ode à la famille, Patrick Fiori chante l'amour dans toute sa diversité. Un air de famille, Patrick Fiori. Finalement, tu t'en vas à 15 ou à 30 ans. C'est comme ça, tu crois partir devant. Mais là dans tes valises, ils sont avec toi. À chaque tournant, tu verras, pour un oui, pour un non, tu rappelleras au moindre tourment. On l'a tous tiré au hasard, le jeu du départ. Et peu importe où tu iras, da-ba-da-ba-da, tu les emportes avec toi. Et la mère, les enfants à l'arrière, les copains d'hier, toutes les sœurs et les frères, le chat, le boxeur, papy et grand-mère, tous nos êtres chers. Dans la famille, il y a toujours un absent, un secret, un amant, une guerre, un volcan. L'amour est si puissant, bien plus que le sang. C'est ceux qu'on choisit qui nous tiennent en vie. Et si parfois tu perds le nord, si ce soir tu n'as pas de frère ni de porc, ou bien si tu as froid, est-ce que tu es d'accord pour venir avec moi? On a tous besoin de savoir, ta-ba-da-da-da, que l'on est chez soi quelque part. Dans la famille, il y a la mère et le père, ou deux pères ou deux mères, ou 36 belles-mères, toutes les sœurs et les frères, un cousin boxeur, papy et grand-mère, tous nos êtres chers. Dans la famille, il y a toujours un absent, un secret, un amant, une guerre, un volcan. L'amour est si puissant, bien plus que le sang. C'est ce qu'on choisit qui nous tient en vie. Dans ma famille, il y a une terre et la mer, une table et des verres, des amis, des repères, des chansons, des galères. Viens là qu'on te serre dans nos bras ouverts. Dans la famille, il y a toujours un moment, un départ, un enfant, ou c'est Dieu qui descend. L'amour est si puissant, bien plus que le temps. C'est ce qu'on choisit qui nous tienne en vie. Il y a toi et moi, tu seras chez toi. Dis-moi, tu trouves pas qu'on a un air de famille? Mais quelle pagaille! Une chanson de 1984, on dit tiens, v'là le solitaire, le cow-boy du marmelade coquette, assis j'étais à refaire, je me referais des pieds à la tête. On me traite aussi de mégalo, je ne sais même pas ce que ça veut dire, c'est peut-être que je suis bien dans ma peau, ou parce que je porte bien le jean. Dieu, que c'est dur. Hugues Offray. Oh Dieu, que c'est dur d'être modeste quand on a toutes les qualités. La tête, les jambes et le reste, qu'on n'en peut plus de se regarder. Pour l'amour, la gloire et le geste, quand le miroir devient trop petit. Dieu, que c'est dur d'être modeste, à moi et à moi pour la vie. J'avais une jolie petite lady, elle a pas tenu le coup. Et devant ce milliard de groupies qui s'autographiaient à mes genoux, j'aurais pu en choisir une plus belle. À quoi ça m'aurait servi? Oui, je peux bien l'avouer, mesdemoiselles, avec moi je suis en bonne compagnie. Oh Dieu, c'est dur d'être modeste quand on a toutes les qualités, la tête, les jambes et le reste, qu'on n'en peut plus de se regarder. Pour l'amour, la gloire et le geste, quand le miroir devient trop petit. Dieu, que c'est dur d'être modeste, à moi et à moi pour la vie. On dit tiens v'là le solitaire, cow-boy à la selle au clou. Aussi j'étais à refaire, je me referais moche de partout. On me traite aussi de mégalo, je sais même pas ce que ça veut dire. C'est peut-être parce que je suis bien dans ma peau, ou alors parce que je porte bien le jean. Oh, attention avec moi. Dieu, c'est dur d'être modeste quand on a toutes les qualités, la tête, les jambes et le reste, qu'on n'en peut plus de se regarder. Pour l'amour, la gloire et le geste, quand le miroir devient trop petit. Dieu, c'est dur d'être modeste, à moi et à moi pour la vie. À moi tout seul, mais je fais tout ce que je peux, les amis. Dans cette programmation pensée par Daniel, il nous reste encore un peu de temps. Dilemme. Dilemme, que choisir? Eh bien, nous allons choisir une chanson intitulée justement Dilemme. Il s'agit d'un titre de Loose, une artiste qui a le vent en poupe. Allez, Dilemme, Loose, aime the Yakuza. Au plus j'ai la haine, au plus ils me font de la peine. Ce n'est pas un drame, c'est je ne fais plus la fête. Ou si sereine, ou fais-tu juste la guerre? La vie est une chienne qu'il faut tenir en laisse. Vivre me hante, tout ce qui m'entoure m'a rendu méchante. Si je rate, je recommence. Quand je suis triste, je chante. Ne jamais tout donner de moi. Dans ce monde, c'est le diable qui est roi. Elles me disent que j'ai la poisse. Blague à part, devient loose, ça part. Seul, seul. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na na na na na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na na na na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na na na na na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na na na na. Si jamais je freine et que je ne fais plus de scène, laissez-moi à l'arrière pour qu'à la source je me baigne. Ma blessure saigne et le sang monte à la tête.

avait eu 2 pour le prix d'un avec Tout est gore de Loose. Voilà. Et c'est ainsi que s'achève la cerise sur le canto numéro 54 consacrée à la chanson française de tous les temps. Merci à Xavier pour la réalisation technique et merci à vous les auditeurs de nous avoir accompagnés. Vous retrouverez le podcast de cette émission en vous rendant sur le site de Radio Fadjet Nancy. À part ça, la prochaine cerise sur le canto, c'est dans 15 jours. Mais dimanche prochain, nous vous espérons fidèles et branchés à Patchwork à l'écoute des musiques du monde. En attendant, soyez heureux sur Radio Fadjet Nancy pour les Lorrains qui nous écoutent sur la bande FM et sur le net radiofadjet.net en ligne pour tous les autres Européens. Nous vous laissons en aimable compagnie de Thierry pour son émission Discothèque Classique. Et comme disait mon papy... À dimanche prochain, 10h. Oh, hé, hey, ah, bon. Au revoir et surtout, portez-vous bien.